masse d'émotions sur mes échymoses. J'écris jusqu'à ce que mon poignet s'enkylose. Triste comme les pierres, y'a qu'au papier que j'cause. L'encre, mon suc gastrique, en rime ou en prose. J'gère pas les choses sans faire couler le bic. Papier mon confident avant que j'coule à pic. Et tête à tête avec des feuilles blanches, nuit de panique. Pour les coupards des textes, réflexes quasi mécaniques. Ma paranoïa en noir sur blanc, ce monde félanique. Mes idées noires assises sur le bambron cynique. La frustration pêche sur mon écriture. J'crache mon malaise sur un cahier puis il triture. Commence alors une longue torture. Repenser une plaie, regarde en face la morsure. De plus près tu lis, les dégâts causent la vie sur ton corps pur. J'endure, trop à fleur de peau, pas encore mûr. J'tire chaque jour de mon mal-être des phrases à la valeur de l'or pur. Feuilles blanches ou perforées, refends ma grand carreau. Quand j'flanche, pose des mots torturés, brossier mes propres barreaux. Un mystique dans ma démarche, papier mon confident. Papier traverse la marche, j'écris mes cris stridents. J'écris mes cris stridents. J'étais pas les bons moments, les mauvais moments. Feuilles blanches ou perforées, refends ma grand carreau. Quand j'flanche, pose des mots torturés, brossier mes propres barreaux. Un mystique dans ma démarche, papier mon confident. Papier traverse la marche, j'écris mes cris stridents. J'écris mes cris stridents. J'étais pas les bons moments, les mauvais moments. Faut que j'attrape un stylo, puis je noircis la feuille. Dur, rapport à l'écriture, composant les mots, j'arrive à faire le deuil. Je fais de mes cicatrices des textes, je ligne ce paradoxe complexe. Gueule comme un con dans un micro, ce que j'arrive même pas à dire dans la vie tout bas. Papier mon confident, de l'anodin à l'incident. Des jours clairs, à la déchirure, à l'accident. Mon mal nécessaire, évacué par l'encre, car incapable de laisser taire, des gens manquent. Je me perds dans l'écriture, histoire d'oublier que c'est dur et que j'ai encore le cul par terre. Feuilles blanches ou perforées, refends ma grand carreau. Quand j'flanche, pose des mots torturés, brossier mes propres barreaux. Un mystique dans ma démarche, papier mon confident. Papier traverse la marche, j'écris mes cris stridents. J'écris mes cris stridents. J'étais pas les bons moments, les mauvais moments. Feuilles blanches ou perforées, refends ma grand carreau. Quand j'flanche, pose des mots torturés, brossier mes propres barreaux. Un mystique dans ma démarche, papier mon confident. Papier traverse la marche, j'écris mes cris stridents. J'écris mes cris stridents. J'étais pas les bons moments, les mauvais moments. La vie c'est tant de cassures, cherche les mots précis. Les gens c'est tant de blessures, mais sur le bonheur en sursis. Des existences atrophiées et des phrases toutes faites style. Ce qui détruit pas t'endurcit. Prendre le monde en pleine gueule comme un coup de tête ou un direct de l'orci. Cherche pas de morale dans ce qu'on vit, je comprends ce qui demeure avare en merci. Faudrait sourire quand tout tire la langue. Garder le moral en pleine tempête, quand y'a pas espoir d'éclaircie. Peu importe la force qu'on nous prête, à un moment ça devient vital de cracher son mal sur le papier d'une traite. Plus sûr, repense à toutes ces fous où l'on parle. Et après on regrette, c'est dur. Trop d'oreilles distraites, de langues peu discrètes. Seul le papier sert nos douleurs secrètes. L'acidité de l'encre que nos plumes sécrètent. Mes écrits m'ont miroir ou comment souffrir de vouloir relire quand les yeux battent en retraite. Feuilles blanches ou perforées, grand format, grand carreau. Quand j'flanche, pose des mots torturés, brossier mes propres barreaux. Un mystique dans ma démarche, papier mon confident. Papier traverse la marche, j'écris mes cris stridents. J'écris mes cris stridents. J'étais pas les bons moments, les mauvais moments. Feuilles blanches ou perforées, grand format, grand carreau. Quand j'flanche, pose des mots torturés, brossier mes propres barreaux. Un mystique dans ma démarche, papier mon confident. Papier traverse la marche, j'écris mes cris stridents. J'écris mes cris stridents. J'étais pas les bons moments, les mauvais moments.